une autre performance dans le style, j'en ai pas fait beaucoup comme ça, qui est plutôt bête et méchant, mais que je trouve rigolote, c'est Le Père Noël est une ordure. Je crois pas que je la referais, cette performance, parce que j'ai fait pleurer des enfants. Je me suis déguisé en Père Noël à Nice, devant la galerie Lafayette, en 67. Le moment où il y avait le plus de monde, c'était, je crois, 19h30. Et là, j'avais des jouets plein ma hotte, j'avais une hotte extraordinaire avec des trains électriques, des ballons, des poupées, des soldats, en fait de tout. J'ai commencé à lancer, comme un appât, on jette des appâts aux enfants, j'ai lancé des bonbons, vous savez, les fameux bonbons cancérigènes, soi-disant, bon, pour donner le cancer aux enfants, puisque ces bonbons, soi-disant, donnent le cancer. Tous les enfants sont précipités, et là, ça a fait un attroupement autour du Père Noël. Et donc là, j'ai commencé à casser mes jouets. C'est-à-dire que c'est la première fois au monde qu'un Père Noël cassait les jouets et devant les enfants, et à Noël, le soir de Noël. Donc il y a eu un silence terrible, au début un silence d'incrédulité, les gens me regardaient et j'ai continué, je sortais un train, crac, je sortais une poupée, crac la poupée, le ballon crevé, enfin voilà. Et puis jusqu'à un moment, les enfants ont commencé à hurler, papa, maman, le Père Noël crée, oui, le Père Noël est en train de casser tous nos jouets, quoi. Ça a été des hurlements, jusqu'à un moment où vraiment les parents ont commencé à être furieux, et là j'ai sorti une sorte de comment ça s'appelle, un soldat américain qui avait la gueule patibulaire et blonde des soldats GI américains, et donc ils sont mis à crier, il faut sauver le soldat Ryan, vous savez, ça devait être des cinéphiles, je crois que le film n'était même pas paru, donc, et puis ils m'ont tous sauté dessus, donc je n'ai eu aucune honte, c'est-à-dire que j'ai mis ma soutane entre les dents et j'ai fui honteux à travers les rues pour sauver ma peau, parce que là ils m'auraient lynché, les parents, et je les comprends à la limite, hein.